Le partage de l'héritage. Fable. Un père avait deux fils. Il leur dit: lorsque je mourrai, vous partagerez tout par moitié. Quand le père mourut, les fils ne purent prendre chacun leur part sans se quereller. Ils prirent pour arbitre leur voisin. Celui-ci leur demanda: comment votre père vous a-t-il ordonné de faire le partage? Les deux frères lui répondirent: il nous a recommandé de partager tout par moitié. Alors, conclut le voisin, déchirez en deux tous les habits, cassez la vaisselle et partagez de même le bétail. Les deux frères suivirent le conseil du voisin et ils détruisirent tout, aussi ne leur resta-t-il rien.